Chaque jour, tu te lèves et tu poursuis le même rêve. Devenir le meilleur, être aimé, faire battre les cœurs. T'amuser, tout donner pour jouer, danser, chanter. Tu le sais, ton secret, c'est de croire en toi sans douter. Un, dos, tres, un, dos, tres. Tu es libre si tu fais ton choix. Un, dos, tres, tu n'as pas dans les livres appris ton combat. Tu maintiens le rythme en cadence. Un, dos, tres, un, dos, tres. Tu es libre si tu fais ton choix. Un, dos, tres, tu n'as pas dans les livres appris ton combat. Un, dos, tres, pas à pas. Tu dois vivre jusqu'au bout ta foi. Et tu danses et tu danses. Tu maintiens le rythme en cadence. Redresse-toi, ne lâche pas. Corps à corps, tu n'as qu'une loi. Tu sens pas la douleur. Quand tu danses, tu oublies tes peurs. Cette flamme qui réclame tant de sacrifices et de larmes, tu la gardes dans ton cœur et ton corps l'exprime dans la soif. Un, dos, tres, un, dos, tres. Tu es libre si tu fais ton choix. Un, dos, tres, tu n'as pas dans les livres appris ton combat. Un, dos, tres, pas à pas. Tu dois vivre jusqu'au bout ta foi. Et tu danses et tu danses. Tu maintiens le rythme en cadence. Un, dos, tres, un, dos, tres. Tu es libre si tu fais ton choix. Un, dos, tres, tu n'as pas dans les livres appris ton combat. Un, dos, tres, pas à pas. Tu dois vivre jusqu'au bout ta foi. Et tu danses et tu danses. Tu maintiens le rythme en cadence. Les fous pas, ça arrive mais ne t'en fais pas. Envole-toi, libre-toi. La musique te reconnaîtra. Quand tu joues, tu t'en fous. Tes complexes mettent à genoux. Pour serrer, faire rêver. Pour gagner la célébrité. Un, dos, tres, un, dos, tres. Tu es libre si tu fais ton choix. Un, dos, tres. Tu dors.